Berthe au grand pied. Imagerie. Texte en vers de André Rivoire. Lu par Ramina Grobis pour le compte de audiosite.net. Sous licence creativecommons.org.